Chapitre 20e. Les convives du jeudi prenaient le café dans le salon de Busserolles, dont les portes-fenêtres ouvertes sur un balcon laissaient voir la Seine avec ses bateaux, les platanes du quai de l'Hôtel de Ville, et au-dessus des branches verdoyantes, les hautes façades noires aux vitres illuminées par les rougeurs du couchant. Le bonhomme Busserolles se tenait en sentinelle près des liqueurs, suivant d'un œil inquiet les mouvements des hôtes assez indiscrets pour remplir eux-mêmes leurs petits verres, et mesurant mentalement le contenu des carafons. Madame de Busserolles, étendue sur sa chaise longue, causait à mi-voix avec Madame des Armoises, tandis que sa nièce, Marthe de Bois-Simon, offrait le sucrier à la Genevraie, à M. Jolivard et à deux ou trois autres intimes. « Ah ça !» demanda M. Jolivard en sirotant son café. « On ne voit plus M. René des Armoises. Que fait-il donc ?»« Il fait ce que vous ne ferez plus jamais, mon cher, l'amour. » répondit la Genevraie, en toisant dédaigneusement le chef de bureau. Et s'accotant à la cheminée, il fredonna entre ses dents la vieille Henriette de Beaumarchais. Quand à la plaine, Zéphyr ramène le printemps si chéri des amants, tout reprend l'être, son feu pénètre dans les fleurs et dans les jeunes cœurs. Madame des Armoises avait relevé la tête et regardait avec anxiété tantôt la Genevraie et tantôt Mademoiselle de Bois-Simon, qui prenait des airs sournoisement distraits, tandis qu'un sourire retroussait ses lèvres moqueuses. « Est-ce vrai ?» continua Jolivard en se rapprochant du journaliste, qu'il a planté là les répétitions de sa pièce et qu'il est allé s'enterrer au fond des bois de Meudon. « Pourquoi pas ?» repartit le Genevrais. « Il est à l'âge où l'on jette son temps et son argent par les fenêtres. Et dire, » ajouta-t-il en haussant la voix, « que tout cela c'est la faute de Busserolles. Hein ?» grogna Tancrède et Bobby. « Certainement. » poursuivit l'autre avec son sourire mystificateur. Un soir, vous l'aviez fait si mal dîner qu'en sortant d'ici, des Armoises, pour tromper sa faim, s'est mis un peu d'amour sous la dent. « Mon ami !» interrompit Madame de Busserolles en roulant de gros yeux. « Quoi ?» répliqua l'impitoyable railleur. « C'est tout naturel. Qui dort dîne, prétend le proverbe. Qui aime, dîne peut-être aussi. René a préféré l'amour au sommeil, et par ma foi, Angèle Sénéchal est un friand souper. Gaspard, « vous êtes insupportable !» s'écria la dame en agitant son éventail. On riait. Madame des Armoises, dont la figure s'était contractée, se leva, et prenant la Genevraie à part, « Je voudrais, murmura-t-elle, avoir avec vous un moment d'entretien. » Elle l'emmena sur le balcon, où l'on eut la discrétion de les laisser seules. « Ce que je viens d'entendre, commença-t-elle, m'apprend que la folie de mon fils n'est plus un secret pour personne. » et je puis vous parler à cœur ouvert. Ah, monsieur, la conduite de René me mortifie et me tourmente cruellement. » Son accent était amer. La Genevraie, étonnée, considéra un moment en silence les traits énergiques, le regard attristé et impérieux de cette femme mûre, mais encore belle, dont les derniers reflets rouges du couchant grandissaient l'attitude altière et désolée. « Eh, dit-il, chère dame, vous me paraissez prendre les choses trop tragiques. Vous les voyez avec les vers bleus de la province, qui grossissent tout et font d'une souris une montagne. René est jeune, il a une maîtresse, où est le mal ? Je ne suis pas prude, répliqua-t-elle dédaigneusement. Qu'il ait une maîtresse, peu m'importe, pourvu qu'il ne l'aime pas. Mais il s'est affolé de cette créature. Cette liaison le passionne au point de lui faire oublier ses travaux, ses projets, ses devoirs. Voilà 8 jours que je ne l'ai pas vu, moi, sa mère. Croyez-vous qu'il n'y a pas là de quoi m'effrayer ? Oh. « Ce qui est violent dure peu, ce n'est qu'une passade, et un beau matin il vous reviendra guéri. Il sera trop tard, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Les projets que j'avais formés pour son avenir seront à bolo. Je voulais le marier avec une jeune fille que vous connaissez bien et qui a tout pour elle, esprit, beauté, influence de famille, et l'affaire va manquer, parce qu'il s'est laissé ensorceler par cette petite sénéchale. » La violence de son dépit lui coupa la parole. Ils restèrent tous deux silencieux. Pendant un moment, on n'entendit plus que les rumeurs du quai et les sons du piano dans le salon où Mademoiselle de Bois-Simon jouait le beau Danube bleu. « Ah, les enfants sont égoïstes !» reprit tout à coup Madame des Armoises d'une voix âpre. « Je ne vivais que pour celui-là. Quand son père est mort, j'étais encore jeune. J'aurais pu me remarier. Je ne l'ai pas voulu, parce que mon nouveau mari aurait pris une part de ma vie et que je tenais à la consacrer entièrement à René. Je l'ai suivi partout. Je lui ai donné tout mon temps, toute ma jeunesse, tout mon cœur. Rien ne me coûtait pour lui rendre l'existence joyeuse et l'avenir facile. et quand vient le moment où il pourrait me récompenser de mes soins en m'accordant la seule satisfaction que je lui ai demandée, il me tourne le dos et m'abandonne. » Deux larmes brillèrent dans ses yeux noirs et roulèrent le long de ses joues. La jeune vraie regardait ses yeux scintillants dans le crépuscule et songeait qu'à 30 ans, cette femme avait dû être singulièrement belle et désirable. Il se sentit touché, prit les mains de Madame des Armoises, la baisa galamment, et de sa grosse voix qu'il essayait de rendre affectueuse, « Ne vous désolez pas, chère madame, » lui dit-il, « et si je puis vous être utile dans cette affaire, disposez de moi. Je ne suis pas trop taillé pour les rôles de raisonneur, mais si vous le désirez, j'irai laver la tête à René. »« Oh, je vous en prie, » répondit-elle avec vivacité, « parlez-lui, je vous en serai profondément reconnaissante. Venant de vous, qui avez l'expérience de la vie et qui êtes désintéressé dans la question, les reproches auront plus de poids. Faites-le rougir de sa conduite. Obtenez qu'il rompe avec cette fille, mais qu'il rompe dès demain et pour toujours. Le temps nous presse, et la personne que vous savez commence à se lasser d'attendre. » Ajouta-t-elle, en lançant regard vers le piano où Mademoiselle de Boissimon plaquait les derniers accords de sa valse. « Dès demain, c'est un peu bref, » répliqua la Genevraie, en supposant que je réussisse, si cette liaison est aussi sérieuse que vous le craignez, il faut laisser à René le temps de la dénouer en galant homme. Il y a certains ménagements à prendre pour que la rupture ne fasse pas trop souffrir celle qui l'abandonne. « Qu'elle souffre !» s'écria Madame des Armoises avec un accent de dureté inexprimable. « Ce sera son châtiment. Est-ce que je ne souffre pas, moi ? Est-ce que, depuis un mois, je n'éprouve pas toutes les tortures de la jalousie mêlées aux angoisses de l'inquiétude maternelle ? Moi, qui ne pouvais m'endormir tant que je ne le savais pas rentrer, voilà 8 jours que je ne dors pas et que je déborde mes larmes, à chacun son tour. Promettez-moi de voir René demain. » « Oui, madame. » Tandis qu'elle rentrait au salon, la Genevraie resta penchée sur le balcon, regardant Paris s'illuminer dans la brume chaude du soir. Les coins de sa bouche impertinente avaient repris ce pli désillusionné qui se marquait davantage aux heures de lassitude. L'égoïsme. « Il n'y a que cela, » pensait-il. « Si l'on soulevait l'un après l'autre tous les toits de Paris, on y verrait l'égoïsme fourmiller comme ces insectes qui grouillent sous les pierres qu'on retourne dans les champs. Égoïsme de la mère, égoïsme de l'amoureux affamé de possession, de l'ambitieux avide de place, de l'artiste assoiffé de gloire. Égoïsme du vicieux pour ses vices, du bourgeois pour ses écus, du prêtre pour sa chapelle. Au demeurant, celui de la mère est encore ce qu'il y a de mieux. » Pendant ce temps, René savourait l'amour dans sa plénitude et se plongeait dans un bain de plaisir, comme ces scarabées mordorés qui se roulent nuit et jour dans les roses. Il avait loué une chambre à Chaville, et dès le matin, il accourait à Vélizy. Toussaint n'y reparaissait plus. Madame Sénéchal n'était pas gênante, de sorte qu'Angèle et des Armoises jouissaient en liberté de leur solitude à deux. Tout semblait d'accord pour leur faire mieux sentir la joie de vivre en s'aimant. La nature pacifique et clémente les enveloppait comme d'un charme. Jamais fin de printemps n'avait été plus magnifique. Les fleurs des acacias pleuvaient sur les chemins. Les tilleuls embaumaient l'air du soir. Les nuits étaient splendides. Leur amour, radieux comme les étoiles, ardent comme le soleil, s'épanouissait joyeusement. Ce n'était plus l'amour timide et inquiet des commencements. C'était l'amour triomphant, superbe, en pleine possession de lui-même. Angèle, qui adorait son poète à l'égal d'un dieu, se donnait à lui sans arrière-pensée, sans réserve, comme une fleur qui s'abandonne aux caresses de l'été. René buvait à longs traits la tendresse de cette charmante fille, dont la beauté, la gaieté, l'admiration exaltée, satisfaisait à la fois sa nature passionnée, ses instincts d'artiste et ses vanités de poète. Il s'enivrait des baisers de ses jeunes lèvres, du parfum de ses opulents cheveux châtains, de la fraîcheur de cette chair, qui sentait la violette et qui avait la blancheur pulpeuse d'une corolle de magnolia. Il se trouvait royalement heureux. Un seul point noir apparaissait de temps en temps dans ce bleu voluptueux, c'était Madame Sénéchal. La mère d'Angèle, en constatant l'assiduité de plus en plus marquée de René des Armoises, n'avait pas hésité une minute à voir en lui un futur gendre. Cette perspective avait paru toute naturelle à son esprit en quête de nouveaux rêves. Aussi, elle traitait déjà René avec une certaine familiarité, Elle se permettait certaines allusions transparentes qui amenaient parfois un nuage sur le front du poète. Ce fut le premier pli de la feuille de rose, le premier avertissement qui rappela au sentiment de la vie vulgaire ce demi-dieu qui planait suspendu entre terre et ciel. Il y en eut bientôt un second qui le réveilla plus complètement de son sommeil enchanté et lui fit comprendre que la terre était toujours là, et qu'un poète peut aussi bien qu'un simple bourgeois y trébucher à de triviales et déplaisantes réalités. Un matin, il trouva Angèle préoccupée et nerveuse. Pour la première fois, ses yeux étaient pensifs et ses lèvres riaient moins franchement. Le lendemain, il remarqua la même attitude songeuse et il pressa de questions la jeune fille. Ils étaient seuls dans une longue allée tournante qui domine les étangs de Chaville. Elle s'arrêta, plongea son regard jusqu'au fond de celui de son compagnon, puis serrant plus fort le bras de René contre son cœur, elle laissa rouler sa tête sur l'épaule du jeune homme et ses lèvres, presque collées à l'oreille de celui qu'elle adorait. Elle murmura deux ou trois mots qui firent tressaillir des armoises des pieds à la tête. « En es-tu sûr ? » balbutia-t-il. « Sûr ? » Non, mais il y a certains signes, certains pressentiments, qui me font croire que cela pourrait être. Et c'est pourquoi tu me vois si agité. Non pas que je redoute cet événement, s'écria-t-elle en jetant ses bras autour du cou de René. Avoir un enfant de toi, cela me rendrait la plus heureuse des femmes. Que me fait l'opinion des autres, pourvu que tu m'aimes. Seulement, j'ai peur d'une chose. Elle s'interrompit et l'enveloppa d'un regard tendre. Achève donc, dit René avec impatience. « C'est que tu m'aimes moins. » La grossesse nous en l'est dit, on allait très tiré, le visage enflammé, la taille déformée. Quand tu me verras dans cet état, si tu allais te désenchanter de moi ?»« Quelle plaisanterie » murmura-t-il en haussant les épaules. « Et puis, » continua-t-elle en soupirant, « que dira ta mère ? Elle me déteste déjà, je le sens. Que sera-ce quand elle apprendra cette nouvelle ?» Il ne lui répondait plus que par des monosyllabes. Toutes ces questions qu'elle lui posait ingénument, il se l'était déjà adressé avec une surprenante rapidité. Au premier moment, la révélation d'Angèle lui avait causé un saisissement et un mouvement d'orgueil instinctif. Mais la réflexion était venue, et les conséquences d'un pareil accident s'étaient présentées comme autant d'apparitions désagréables. La promenade s'acheva dans un silence pénible. Pour la première fois depuis 8 jours, il fit allusion aux affaires qu'il appelait à Paris, et manifesta l'intention d'y passer le reste de la journée. « Tu vois, tu m'aimes déjà un peu moins, » murmura Angèle en s'efforçant de sourire, tandis que ses yeux devenaient humides. « Enfant, » répondit-il en la prenant par la taille et lui baisant les yeux. Il jura qu'il l'adorait, promit d'être de retour à la nuit, fut caressant et séduisant comme toujours, puis, après l'avoir amené à la maison, il redescendit vers Chaville.